DJ Lagus. Le Bluff. On connaît tant de sons là. Le Da Matisse. Trap House. Ça mange gars. Si pas sorti, pas bon. Tichou boy. On paquette from a go cocotte. Ça rentre et ça sort. Ça rentre et ça ouest. Ça rentre et ça sort. Ça rentre et ça ouest. Ça rentre et ça sort. Ça rentre et ça ouest. Ça rentre et ça sort. Ça rentre et ça ouest. Ouveille ou ouvez pas. Ouveille ou ouvez pas. Ouveille ou ouvez pas. Pas fait moins faire état. En j'accolais qu'on végéta. Ouveille ou ouvez pas. Ouveille ou ouvez pas. En j'accolais qu'on végéta. Montez des sangs quoi sensé. Montez des sangs quoi sensé. Ou n'y a cousine ou bien on sait. Si on sait le carbone, nous qu'a fait on sait. Montez des sangs quoi sensé. Montez des sangs quoi sensé. Montez des sangs quoi sensé. Ou n'y a cousine ou bien on sait. Sabine, des graisses. En pas la bouche à casser. En pas la bouche faire état. Y'a qui vit pour en goûter ça. Attends un moment, ça qu'a fait. Mettez-vous en position. Pour nous pégater, qu'est-ce qu'a fait. C'est action, réaction. Ce soir, c'est nos prises de tête. Ça qu'a pété. Ouvrez jamais ou là en V. On te qui j'en équipé. En sorti, en rentré. Doudou, même Jacques a tremblé. Ija, ça c'est ça en blé. Pas ni temps pour nous pépaler. De ma tête, pas de blabla. Pour pas ni bon gaspillage. Côté des égaux bondas. Ija, ça vont aimer ça. Ça rentre et ça sort. Ça rentre et ça ouest. Ça rentre et ça sort. Ça sort. Ça rentre et ça ouest, ça rentre tout, ça rentre et ça sort. Ça rentre et ça ouest, ça rentre tout, ça rentre et ça sort. Ça rentre et ça ouest, ça rentre. Parlez, parlez, parlez. Yo, c'est des grands palais. Pour taper, oui, ok, à l'aise. J'ai sa bleu dans ses chalets. En 115 là, oui, nous à l'aise. Faut faire ça, ok, balèze. Si on choque, ou bébé, tension, wow. Ou pas fait pour malaise. En aimé, Chabine a go fesse. Chabine a go fesse. On est canissé, on y pièce. Oui, on y est. En paré, ouais. Et il faut ça fait carré. Ah bon? J'ai dit vendredi, donc moi-même je vais faire mon carré. Tété ou, et fais la carré. Tété en moins qu'à tremblé. Faut nous faire ça bouer, là il boue. Ouais, il freine, là il boue, il freine. Boue, boue, freine, là il boue, il freine. Boue, boue, freine, là il boue, il freine. Boue, boue, freine, là il boue, il freine. Boue, boue, freine. Ça rentre et ça sort. Ça rentre et ça ouest, ça rentre tout, ça rentre et ça sort. Ça rentre et ça ouest, ça rentre tout, ça rentre et ça sort. Ça rentre et ça ouest, ça rentre tout, ça rentre et ça sort.